Chapitre 11. La grotte. Après un week-end de balade en Andorre avec Fred, Jérémy, en se réveillant le lundi matin, décida de grimper et voir la fameuse Spoulgas. Il n'arrivait cependant pas à se décider s'il devait en toucher un mot à son ami avant de partir ou bien juste en revenant. Peut-être qu'un simple mot sur la table de la cuisine le rassurerait et de ce fait, il n'aurait pas à subir toutes les recommandations d'usage que Fred s'empresserait de lui seriner. Il prépara son sac à dos, y mit une bouteille d'eau, quelques barres chocolatées et son nécessaire de secours qu'il traînait partout avec lui. Des formations professionnelles obligent. Un pull sur les épaules, il était fin prêt. Il se jugea un instant stupide. Que pensait-il réellement trouver dans ce trou? Une si petite cavité ne recèlerait certes pas grand-chose, mais il sentait au plus profond de lui que s'il n'y allait pas faire un tour, il le regretterait. Tôt ou tard, et Fred le savait mieux que quiconque, il y serait allé. Ce qu'il était loin d'imaginer par contre, c'est que son ami s'y risquerait tout seul. Mais si des enfants depuis des années s'y amusaient, il ne voyait pas ce qu'il pourrait y avoir comme danger. Il avait choisi la date en toute connaissance de cause, le 21 juin, le jour même où la légende faisait apparaître la fameuse jeune femme en pleurs. Il se serinait tout en grimpant qu'il n'y croyait pas un seul instant, que les légendes étaient faites comme celle-ci pour empêcher les gamins de faire des bêtises. Bref, il prenait le chemin de la grotte comme une agréable promenade. Le soleil commençait à chauffer. L'air était d'une pureté sans pareille et il se sentit rassuré. Pour le coup, il regarda plus attentivement autour de lui. Un animal sans doute plus effrayé que lui se fraya à son passage parmi les hautes herbes. Jérémy ne redoutait qu'une seule chose, les serpents. Dans la région, ils étaient légion. Tout dépendait des années, disait Anthelme. Une morsure et il se retrouverait chez un médecin avec une piqûre anti-venin. Les vipères ne faisaient pas de cadeaux à qui s'en approchait de trop près, sinon l'animal en lui-même privilégiait la fuite plutôt que l'attaque. Il reporta son attention sur ses pas. Un peu plus haut, il admira la vue du petit village et de son torrent chantant qui dévalait vers Ax-les-Thermes pour rejoindre l'Ariège. Cette région était vraiment extraordinaire. Oui, il aimerait y vivre avec amour, sa belle petite princesse. En attendant de prendre une décision qui impliquerait son avenir, il préféra revenir à sa balade. Il en avait encore au moins pour un bon quart d'heure de marche quand il découvrit parmi les herbes folles un ancien pied de vigne qui supportait quelques grappes de raisins à peine formées. Un bruit le fit se retourner. Thor était sur ses pas. « Va-t'en !» lui enjoignit-il. Le chien s'assit et le regarda, placide. Jérémy se remit en marche. Le chien ne bougea pas. Il ne voulait pas vraiment le repousser, mais Fred avait raison. Thor en souffrirait certainement plus que lui lorsqu'il devrait repartir. En lui-même, Jérémy se dit que s'il s'écoutait, il ne repartirait pas. Mais les responsabilités lui revinrent aussi vite que sa décision de rester. Qu'arriverait-il à sa clinique si chèrement acquise? À ses patients qui lui faisaient une entière confiance, surtout en ses compétences. « Personne n'est indispensable, se répondit-il. Les collaborateurs sont là pour ça. Ils sauront prendre la relève si nécessaire. » Il tentait de se persuader alors qu'en partant tout à l'heure, jamais il n'aurait réfléchi à un tel projet. À croire que le fait d'être seul, dans un environnement aussi calme, lui faisait prendre conscience de la vie telle qu'elle devrait être. Une si bonne chose pour sa petite princesse qui pourrait reprendre des forces et qui sait, surmonter son chagrin peu à peu. Ensemble, ils y parviendraient. Il ne la découvrit que lorsqu'il fut vraiment devant. Quelques broussailles enfermaient l'entrée et en plein été, on devait souvent passer devant sans même s'en apercevoir. Il posa son sac à dos et s'assit sur une grosse pierre. Pendant qu'il se désaltérait, il se demanda si réellement il voulait y entrer. Une certaine appréhension le prit. Jérémy resta un long moment à contempler le paysage. Les arbres faisaient une trouée et l'on pouvait voir le petit village dans son entier. et dire que l'ancêtre et Fred étaient au travail à la laiterie. Il se sentit coupable un bref instant. Il aurait dû préparer le repas du midi, mais tout à l'appréhension de se faire prendre, il était parti sans y songer. Bah, ils avaient l'habitude. Ils ne seraient pas surpris. Sauf quand il lirait son petit mot, mais il était trop tard pour renoncer. Jérémy rangea sa bouteille d'eau, remit son sac sur son dos, écarta les broussailles et entra dans la Spoulgas. Il attendit quelques instants que sa vue se fasse à la pénombre ambiante, puis observa avec une curiosité tout amusée les inscriptions sur les parois, des initiales, mais aussi quelques dessins et, chose surprenante, assez récents. Pourtant, le village ne comptait plus d'enfants. Des touristes, sans doute, venus laisser un souvenir de leur passage. Avant de s'aventurer plus loin, il sortit sa lampe torche de son sac, quand soudain, il s'arrêta net. Un bruit confus le rendit perplexe. Une sorte de sanglot qui venait du fin fond de la cavité le fit tressauter. Y avait-il déjà quelqu'un de si bonne heure? Ou bien était-ce son imagination débordante? Non, les sanglots étaient bien réels. Il hésita, puis avec précaution avança de quelques pas. Les lamentations s'arrêtèrent pour faire place à des murmures. Une soudaine envie de faire demi-tour s'ancra en lui tant et si bien qu'il se surprit à tourner le dos. Non, il se raisonna. Il n'était pas venu jusque-là pour se sauver. Il devait en avoir le cœur net. Fred l'aurait-il vu partir? Et lui ferait-il une farce de son cru? Non, impossible. Son ami ne se moquerait pas de lui ainsi. Il se força à avancer doucement mais sûrement. Les sanglots reprirent avec plus de force. Finalement, Jérémy cria. Il y a quelqu'un? Aucune réponse en retour, si ce n'est le même murmure. Il avança encore. Jamais il n'avait réalisé que cette petite cavité était aussi profonde. Antel m'avait pourtant bien dit qu'elle n'était pas bien longue. Il continua à avancer avec précaution lorsque soudainement une lueur apparut. Une forme indistincte, que même avec sa torche il ne put en distinguer les contours. Il s'arrêta de nouveau et reprit plus fort. « Qui êtes-vous? Répondez !» Silence pendant un moment, puis à nouveau des murmures, mais cette fois plus distinctes. Il réussit à en capter quelques bribes. « Aidez-moi, je vous en supplie. « Qui êtes-vous? Cessez de vous moquer de moi, sortez que je vous vois !» Sur ces dernières injonctions, Jérémy vit une silhouette de femme venir vers lui. Elle baignait dans une lueur quasi surnaturelle. « Comment puis-je vous aider ? » demanda-t-il doucement. « Qui êtes-vous ? » « Je m'appelle Clariane, Seigneur. Aidez-moi, je vous en supplie. »« Comment puis-je vous aider ? » « Venez avec moi. »« Mais où donc ? » ?»« Au village. J'ai besoin de vous. » « Au village, balbutia Jérémy, venez plutôt avec moi, je ne le puis, messire. Je ne peux quitter cet endroit qu'avec vous, je ne peux sortir d'ici. » « Si je vous aide, il va me falloir savoir pourquoi. » « Une malédiction est sur ma tête, seigneur. Pour qu'elle soit levée, il faut qu'un homme veuille bien me suivre et m'aider. » « Mais pour aller au village, il faut bien ressortir d'ici. » « Pas de ce côté, lui dit la très jeune femme, lui désignant la sortie. De ce côté, messire, fit-elle en montrant le fond de la grotte. Elle lui faisait signe d'avancer vers elle. Jérémy fit un pas en avant de prendre conscience qu'il était en train de lui obéir. « Je ne peux pas vous suivre. Je ne sais pas où vous désirez si fort m'emmener, mais ma vie n'est certes pas avec vous. J'ai une petite fille. » Et il s'arrêta. Il parlait avec qui exactement? Un fantôme? Une personne bien réelle qui se moquait de lui? C'était certainement une farce. Il ne pouvait en être autrement. Pourtant, elle était si diaphane, cette silhouette. Si jeune, cette fille, si jolie et si ressemblante avec sa corie. Voilà ce qui n'allait pas. Il le comprit aussitôt. Cette jeune fille d'à peine 16 ans, selon lui, était le portrait craché de sa défunte femme, celle également du portrait du château de Foix. Impossible, il était en plein délire. Il se pinça cruellement, mais la jeune femme était toujours devant lui, suppliante. La curiosité était si forte qu'il fit encore quelques pas vers elle. Elle lui sourit, les yeux pleins de larmes. Jérémie se sentit ému jusqu'au tréfonds de lui-même. « Qui êtes-vous » murmura-t-il encore une fois. « Clariane, messire. Je fus la favorite du seigneur Phébus, mais il m'abandonna enceinte. Il disait que l'enfanson n'était pas de lui, que j'avais manqué à ma parole. Il a attendu que l'enfanson vienne au monde, me l'a retiré et m'a emmuré. Je reviens chaque 100 ans dans une grotte et je supplie un homme de me venir en aide pour que la malédiction soit levée et que ma descendance, enfin, ne meure point en si bas âge. » Les paroles de cette jeune fille percutaient Jérémie avec une force peu commune. Ainsi, c'était vrai. Ce n'était pas une légende, il le sentait. Il avait porté sa main devant lui et elle était passée au travers de l'apparition. Il se sentait tout bizarre à présent, comme si une force puissante lui disait d'aller avec elle, d'accomplir son destin. Il fit encore un autre pas et, d'un seul coup, la grotte et tout ce qu'il y avait autour s'évanouit.